Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et avec moi cette semaine, Luc Desormeaux. Salut Jean-Benoît. Ouais, je me suis dit que tant qu'à faire un show sur Star Wars, j'allais avoir avec moi le grand spécialiste de la galaxie, Luc Desormeaux. Donc, je vais pas faire ça sans toi. Avant qu'on spoil. Spécialiste de la galaxie, là, t'en mets un petit peu épais. Là, et, de loin, il n'y a personne qui t'accote. Ouais, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a du monde qui m'accote, même du monde qui en connaisse plus que moi. Parce que ça arrive de temps en temps que je vais faire des petites choses sur Facebook, là, genre, tu sais, connaissez-vous vraiment Star Wars? Il y a des affaires que je sais pas. Bon. Mais c'est sûr, j'ai déjà dit à un de mes collègues qui vient me voir quand on parle de Star Wars, il dit, tu sais, je viens te voir parce que toi, tu connais beaucoup ça, moi, je connais pas ça. J'ai dit, oui, je suis excellent à savoir des choses totalement inutiles. Donc, ou à faire comme si tu le savais. Ouais, non, normalement, j'en connais pas mal, mais il y a certaines choses que, bon, je ne connais pas. Avant qu'on rentre dans la partie spoilers de l'émission, parce que oui, tant qu'à faire un show dédié à Rogue One, une histoire de Star Wars, on va spoiler. Tant mais avant de le faire, je veux connaître tes impressions avant toute chose. Tu sais, question de donner une idée aux gens si on a aimé ça ou non, si ça vaut la peine d'aller le voir s'ils n'ont pas vu le film encore. Ouais. Ça serait quoi ton appréciation? Ben, c'est un excellent film. Ça a un ton vraiment différent des films Star Wars qu'on connaît depuis le début, là. Donc, il n'y a pas de Jedi dans ça. Donc, c'est un film vraiment différent. Moi, je me dis plus que c'est un... Ouais, il n'y a pas de Jedi. On y reviendra dans partie. Ouais, il n'y a pas de Jedi. Il n'y a pas de combat entre Jedi. Il n'y a aucun Jedi présent dans le film. Je te ferai remarquer que Darth Vader n'est pas un Jedi. Donc, c'est ça. Fait que, il y a pas de Jedi dans le film, c'est plus un film de guerre dans un univers de Star Wars plutôt qu'un film de Star Wars dont on est habitué de voir. C'est un excellent film, c'est un film qui est bien ficelé, l'histoire est intéressante, l'image, la visuelle est incroyablement bien réussi. Il y a des gens qui ont dit que Rogue One était le meilleur film de Star Wars. Je ne suis pas d'accord. Je pense pas que c'est le meilleur film de Star Wars. Mais c'est un très bon film de Star Wars. Si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine d'être vu sur un grand écran. Mais si vous pouvez aucunement y aller d'ici sa sortie des salles de cinéma dans quelques semaines, quelques mois peut-être, dépendant s'ils font encore de l'argent avec, ben vous pourrez le voir en Blu-ray à la maison, là. Mais c'est un film qui se regarde très bien sur un écran énorme avec du très bon son et tout ça, là. Ouais. Je vous dirais à peu près la même chose. J'ai trouvé que c'était un bon film. C'est pas parfait. Il y a certains petits trucs. Surtout, tu sais, l'univers est super cool. La mise en place est super nice aussi. C'est plus au niveau des personnages et de l'équipe, là, le crew de Rogue One. Où est-ce que moi je trouve certains pépins. Sinon, tu sais, la qualité d'image, on a fait un travail assez incroyable sur la grandiosité. Ouais. Tu sais, on a des caméras à star, là, on peut filmer extrêmement large et on a plusieurs plans où est-ce que tu vois les vaisseaux, là, mais les destroyers impériaux, là, mais tu sais, ils ont de l'air gros, là, mais t'es comparé à des planètes, c'est pas si gros que ça. Puis on est capable de le faire maintenant avec la technologie d'aujourd'hui, ce qu'on n'était pas capable dans les, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est vraiment cool de voir l'ampleur de cette flotte-là impériale. Et en tout cas, au niveau des images, il y a des trucs vraiment très, très cool. Puis j'ai aimé aussi le théâtre des opérations où est-ce que tout ce qui est scène de combat final, ça se termine dans un paysage très tropical avec des très vacances, tu sais, genre j'irais là en vacances me faire griller sur la plage avec des pina coladas, tu sais. Ouais, exactement. Donc d'avoir un théâtre des opérations qui est autre, ça change de mal de place aussi, ça amène ça rend cet univers là crédible, vivant. Tu dis il y a pas juste des planètes désertiques, il y a pas juste des planètes de glace, il y a aussi des places tropicales. Il y a aussi des places, entre autres au début, dans une des premières... Ben, en fait, la première scène, t'es dans une planète plus d'agriculture, tu sais. Ouais. Tu te dis, c'est cool, tu sais, il y a de la variété dans cet univers-là. Donc, on était capable rapidement de mettre ça en place dans le film, puis de nous faire découvrir des nouveaux emplacements, mais qui restent cohérents avec l'univers global de Star Wars. Ouais, parce que la première planète qu'on a vue dans l'univers de Star Wars, qui était pas... Tu sais, c'était pas un entier, là. Tu sais, comme dans les autres films, c'était soit, OK, Tatooine, c'était désertique partout. Hoth, c'était de la glace partout. Endor, c'était de la forêt partout. Tu sais, t'as vraiment... Mais quand on est allé à Naboo dans la première série, ben là, c'est là qu'on a vu une espèce de planète où il y avait de l'eau, où il y avait des forêts, où il y avait... Tu sais, un peu plus que... Tu sais, c'était toute pareille, la planète. Mais tu sais, faut s'entendre que... On n'avait pas la technologie avant pour faire vraiment tout ce qu'on voulait. Fait que on était limité. Puis comme tu disais un peu... on voit comment grandiose c'est la flotte de l'Empire et tout ça. C'est très difficile dans les années passées, comme 4, 5, 6, de bien montrer la différence entre la grosseur de l'étoile noire, l'étoile de la mort, peu importe l'étoile noire, et un Star Destroyer, parce que tes maquettes, ben tu pouvais pas faire l'étoile noire si énorme que ça, parce qu'elle n'aurait pas fité dans ton espace pour filmer. Mm-hmm. Puis il y avait des limites à comment petit tu pouvais faire ton Star Destroyer. Tandis que là, vu que c'est numérique, ben on est capable de faire à peu près ce qu'on veut. Puis on le voit très bien dans le film, là, quand on a une espèce de plan rapproché qu'on a vu dans la bande-annonce, là, du laser qui s'en va se faire mettre en place, de l'espèce de soucoupe où le laser est dedans qui se fait mettre en place. On voit il y a des Star Destroyers à côté, puis c'est comme un pouce de gros comparément à l'étoile noire qui est énorme, là. Fait que oui, on est capable de montrer comment grandiose que ça peut être. Puis on s'en sert aussi pour montrer dans Rogue One, on n'hésite pas à montrer comment vraiment gros c'est l'Empire. Tu sais, dans trois premiers films, trois films originaux, on savait que l'Empire c'était gros, mais on voyait pas tant de vaisseaux que ça, on voyait pas tant de Star Destroyer que ça, on voyait pas tant de soldats non plus que ça. Ça a été modifié dans des éditions spéciales avec des Stormtroopers ajoutés par ordinateur, mais originalement, on n'était pas capable de faire ça. Tandis que là, on est capable de montrer comment grandiose c'est l'Empire. Quand ils envoient une flotte de vaisseaux, à un moment donné, pour défendre la dernière planète, là, quand ils veulent voler les plans du TIE Fighter, là, il y en a, ça finit plus. T'sais. On n'était pas capable de faire ça avant, on est capable de le faire aujourd'hui. Fait qu'on est capable de montrer, comme tu disais, un théâtre d'opération beaucoup plus grandiose que ce qu'on faisait avant, là. Mais de ce côté-là, c'est très, très réussi. On nous donne l'impression que l'Empire est vaste, énorme et puissante, là. Ouais, donc ça, c'est bien rendu. L'univers aussi. Comment tu trouves que ça s'imbrique dans la saga? Puis là, on est encore pas de spoiler, là. Ouais, ben ça s'imbrique bien dans la saga parce que, tu sais, le premier film de Star Wars qui a été fait, qui était épisode 4, dans le scroll du début, donc dans le texte qui défile au début, on parle des rebelles qui ont volé les plans de l'étoile noire pour permettre aux rebelles de pouvoir, tu sais, peut-être la détruire et tout ça. C'est la prémisse du premier film, c'est de, bon, détruire l'étoile noire pour les rebelles. Dans ça, ben là, on prend cette petite partie du texte qu'on a vu dans le premier film de Star Wars et puis on te fait une histoire à propos de ça. Fait que ça s'imbrique très bien dans le fait que ça répond à des questions que les fans avaient de « bon, ben ouais, c'est bien beau, mais l'Empire, si c'est si puissant que ça, comment est-ce qu'on a fait pour trouver les plans, les voler et tout ça, comment ça a fini dans les mains de la princesse Léa, puis finalement dans R2-D2, puis, tu sais, fait que ça répond à toutes ces questions-là qu'on a depuis des années. Donc, c'est moi, je pense que ça s'imbrique très bien, surtout que, on va en parler plus tard, là, quand t'arrives à la fin de Rogue One, t'arrives au début de Star Wars épisode 4. Ouais. C'est comme ça s'imbrique vraiment très bien. Là. On n'a pas niaisé. Même moi, personnellement, je pensais qu'il a dû se passer peut-être des semaines, peut-être des mois avant que Darth Vader retrouve les plans qui avaient été volés. Puis vraiment, c'est comme dans la même journée ou dans la même, tu sais, dans la même semaine que ça se passe, là. Mais ça rend ça réaliste aussi dans le sens que, si tu sais que les plans de ton arme ultime sont volés, tu vas faire en sorte de modifier la configuration, tu sais, de pallier à des failles potentielles, mais là, ils ont pas le temps de le faire. C'est tellement rapproché. Fait que ça permet que ces plans-là soient utiles encore pour les rebelles. Ouais, donc, c'est ça. Tu sais, je trouve que ça a été, c'est pas un 3.5, c'est un 3.90, mettons. Tellement c'est proche du 4. Bon, oui, c'est très, très proche. On n'a pas, tu sais, quand le film commence, ben, faut dire quelque chose, c'est que si vous êtes vraiment fan, là, je vous conseille d'aller lire un livre qui s'appelle Rogue One Catalyst. Catalyst, c'est un livre qui se passe avant Rogue One. Donc, on introduit tous les personnages principaux du film. C'est canon, ça? C'est-tu un nouveau livre? Oui, c'est canon. Ça fait partie de l'histoire de la nouvelle entité de Star Wars, donc okay. les vraies histoires. Donc, on introduit là-dedans Galen Erso, qui est le père de Jyn, qui est le scientifique que l'Empire veut avoir pour aider à créer l'Étoile Noire. Sa femme, Lyra Erso. On a aussi la naissance de Jyn Erso quand elle est bébé, même avant qu'elle vienne au monde. Les débuts du directeur Krennic et tout ça. Donc, ça suit vraiment cette histoire-là de comment lui se fait embarquer dans les histoires de l'Empire pour créer le laser qui va aller dans l'Étoile Noire. Parce que on parle tout, dans Catalyst, ils parlent tout de « Ah oui, oui, on est en train de bâtir une super petite planète qui va être une station spatiale, qui va pouvoir détruire des planètes, puis tout le monde va avoir peur de ça. » Mais ils n'ont pas d'armes à mettre dedans. Ils ont rien. Donc, la planète, l'étoile elle-même est construite, mais ils ont aucune manière de faire une arme assez puissante pour faire ce qu'ils veulent que cette arme-là fasse. Et c'est Galen Erso qui est l'espèce de catalyste, justement, ça s'appelle catalyste, qui est le catalyseur de comment ils vont réussir à créer une arme aussi puissante que ça. Donc, on raconte toute cette histoire-là, ses débuts là-dedans, puis le fait qu'il se fait un peu enfiroper, se fait mentir, et puis tout ça. Et puis, au début de Rogue One, on se ramasse avec eux autres qui sont en fuite, sont cachés sur une planète. Il est devenu fermier et tout ça, puis on voit le directeur Krennic qui vient le chercher. Ben, Catalyst, ça nous amène jusque-là, jusqu'au point qu'il décide, ben, on sauve nous autres parce que mes recherches sont pour le bien et non pas pour devenir des armes de destruction. Donc, il prend sa femme et sa petite, puis ils s'en vont. Ouais. Fait que ça nous amène jusque-là. Mais c'est un livre qui est quand même vraiment intéressant. C'est écrit par James Luceno. Fait que si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la prémisse qui nous amène jusqu'à Rogue One, je vous conseille de lire ce livre-là. Puis ça intègre aussi des parties de la guerre des clones. C'est vraiment vers la fin de la guerre des clones, puis ça nous amène jusqu'à Rogue One. Parce que Jyn a à peu près une vingtaine d'années. Proche d'une vingtaine d'années dans Rogue One, puis on voit sa naissance dans le livre. On parle de sa naissance dans le livre. Mm-hmm. Donc, ça c'est 20 ans. Puis, il faut dire, ça a pris 20 ans à l'Empire à construire la première étoile noire parce qu'on n'avait pas le laser. C'est 20 ans de construction pour la première. OK. Avant encore qu'on embarque dans les spoilers, tu dis que ça fait 20 ans. Puis on a des repères temporels dans le film. À un moment donné, elle va dire « ça fait une quinzaine d'années que j'ai pas vu mon père ». À un moment donné, elle mentionne à un personnage qu'il l'a mis dans la boîte parce que il l'a laissé à elle-même. Elle avait 16 ans. Fait que, tu sais, on sait qu'elle a à peu près début vingtaine. C'est ça. Par contre, une des affaires qui accroche bien, bien gros les fans de Star Wars, c'est le fait que au début de la première trilogie, 4, 5, 6, les Jedi semblent être complètement oubliés. C'est rendu une légende. Il n'y a plus personne qui y croit vraiment. Et tout le monde se dit, mais oui, mais il y a eu à peu près 30 ans entre les, en se fiant sur l'allure des personnages, il y a eu à peu près 30 ans. Et moi, je me dis tout le temps, ils ont de l'air à des humains comme nous autres, mais c'est-tu vraiment des humains comme nous autres? C'est quoi leur espérance de vie? Ben Solo, quand il meurt dans le 4, est-ce qu'il a 200 ans? Est-ce qu'il a 75 ans? Tu parles d'Obi-Wan? Obi-Wan, ouais. Ouais. Tu sais, tu comprends-tu? Le laps de temps, on dit, ah, il y a à peu près 30 ans parce qu'il était adulte à la fin du 3 et t'arrives au 4 puis il est rendu vieillard puis il y a plus personne qui s'en souvient puis ça fitterait dans un âge d'humain normal. Mais dans cet univers-là, est-ce que les humains vivent 120, 130, 140 ans? On le sait pas. Ouais, normalement, c'est probablement une espérance de vie normale parce que si tu regardes Obi-Wan, ça a peut-être été mal rendu. Il est difficile à suivre son âge dans le film. Là. Il y a une scène où il a l'air vraiment vieux parce qu'il fait comme jouer avec sa barbe là, dans épisode 3. Là, il joue dans la barbe puis il a l'air un peu plus âgé comme ça. On dirait qu'il y a plus de gris, mais il a pas l'air si vieux que ça. Entre épisode 3 et probablement Star Wars 4, il doit se passer une trentaine d'années à peu près. Ouais, mais ça fait pas de sens que toute la galaxie oublie parce qu'il y en avait là des Jedi là. Fait que moi je me dis on se fie sur l'apparence de Obi-Wan Kenobi pour savoir combien de temps que c'est passé, mais si ces humains là dans cet univers là vivent 120 ans, ça nous donne 80 ans là. Ouais. Non, mais ce qu'il faut que tu penses c'est que c'est pas que les gens ont oublié les Jedi. Si tu regardes dans Rogue One, le petit cristal que la mère donne à Jin au début du film, c'est un cristal qui provient d'un sabre laser. Parce que c'est ce qu'ils appellent des Kyber Crystals. Les Kyber Crystals, c'est ça qui donne le pouvoir au sabre laser. Quand il passe un courant là-dedans, c'est ça qui crée la lame. Ouais. C'est les mêmes cristaux qui vont être utilisés par l'Empire pour donner sa puissance à l'étoile noire. Donc, un gros, gros cristal peut être si puissant qu'il peut détruire une planète. C'est des mêmes cristaux qui donnent la puissance au sabre laser. Donc, les gens se rappellent que les Jedi existaient puis que les Jedi existent. Il y en a certains qui n'en ont pas entendu parler parce qu'ils n'étaient pas au monde. Mais Jin n'était pas nécessairement au monde quand les Jedi étaient là, mais ses parents y en ont parlé. Ce qu'il y a, c'est une peur d'en parler parce que l'Empire est tellement omniprésent que si ils t'entendent parler de Jedi, c'est une trahison. T'sais, parce que les Jedi étaient l'ennemi de l'Empereur. Ils ont, selon l'histoire que l'Empire lance, les Jedi ont essayé de tuer Palpatine pour prendre sa place. Donc, ils sont virés côté obscur, selon l'histoire, pour essayer de prendre le contrôle de la République. Donc, c'est plus un sujet tabou que les gens ne veulent pas parler. Puis, si t'en parles pas, demandez, ben, y a des gens qui sont plus au courant parce que le bouche à oreille fait que la nouvelle génération serait pas au courant que les Jedi ont existé. Tu sais. OK. Pour moi, ça fait plus de sens que le laps de temps en tant que tel de 30 ans. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent les Jedi, mais comme je te dis, c'est tabou d'en parler, donc personne ne parle des Jedi. Donc la connaissance ou le fait qu'il y avait des Jedi à un moment donné, ben il y a certaines personnes qui le savent pas parce que c'est pas bien vu d'en parler à cause de l'Empire. OK. Côté casting, on a à la direction Garrett Edwards qui a fait une sapristi de belle job, je trouve, au niveau visuel. C'est lui, ouais, qui avait fait le dernier Godzilla, qui était... Ouais. Tu sais, la fameuse scène avec les gars qui se parachutaient, puis t'avais le Godzilla, puis les gars, ils ont comme leur flare à leurs pieds, rouge dans le ciel gris, puis tout ce que tu voyais, c'était l'ombre de Godzilla. Je trouvais ça, visuellement, c'était écœurant. Il avait réussi à faire une super belle job visuellement dans Godzilla, donc ça se retrouve encore une fois dans ce film de Star Wars. Ouais, le film Godzilla était potable aussi. C'était pas un grand film, là, mais c'était correct. Là. Non, c'est ça. Il était très basé trop de pépites à mon goût, mais ouais, c'est ça. Ben, en même temps, les Godzilla, c'est pas mal ça. Puis il y a du monde, ouais, qui a chialé. C'est trop basé sur les humains, mais ça a toujours été ça, les Godzilla, sauf que vous avez oublié que c'était ça. Ensuite, on retrouve Felicity Jones dans le rôle de Jyn Erso. Ouais. Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor. On retrouve Donnie Yen dans le rôle d'un aveugle. Ouais, un non-Jedi aveugle. Ouais, Wen Jian dans le rôle de Baze Malbus. Ben Mendelsohn qui fait le docteur Krennic. Ouais. Forest Whitaker. Ouais, il fait pas le docteur, il fait le directeur Krennic. Directeur Krennic, excusez-moi. Ouais. Et Riz Ahmed, Jeff Cromp. Donc, qui fait le rôle de Jeff Cromp. Et d'ailleurs, j'ai envoyé l'image. Je fais, tu nous avais pas dit que tu jouais dans Star Wars Rogue One parce que tout le long, j'ai fait comme, c'est Jeff. c'est sûr que c'est lui. Mais tu sais, je le savais que c'était pas lui, là, mais. Ouais. Maudit, c'est pas trop qu'il ressemblait tant que ça, là, mais. Oui. T'as le droit. Et Mads Mikkelsen qui fait Galen Erso, qui habituellement nous a présenté des rôles de vilain. Et là, c'était cool de le voir dans un rôle de gentil, puis il était crédible. Et le gros vilain dans Doctor Strange. Ouais, exact. C'est drôle parce que j'allais voir Doctor Strange le lendemain, puis je dis, hey, sa face me dit quoi? Ouais. Ben oui. c'est le même gars. C'est le même gars. Donc, voilà pour le cast. Vous avez eu nos avis généraux. Si vous n'avez pas vu le film, on vous invite à mettre l'émission sur pause, aller voir le film et revenir pour la suite des choses parce que nous entrons dans la zone avec spoiler. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Je veux connaître ton avis général avec spoiler de ce film. Ben, j'allais là dans l'optique que je savais déjà comment ça allait finir, ce qui est, puis là, c'est le plus gros spoiler, si vous n'avez pas vu le film, puis vous n'avez pas fait pause encore, tant pis pour vous autres. L'optique, tu sais, quand tu fais une joke à quelqu'un, tu vois un film, puis tu dis, puis comment c'était, puis tu lui réponds, ah, c'était bon, mais il meurt tout à la fin. Il meurt tout à la fin, ouais. Ben là, c'est vrai. C'est vraiment ça. Puis, c'est drôle parce que je lisais un article justement avec Garrett Edwards qui disait ça n'a pas toujours été ça. Dans les premières versions du script, Cassian et Jyn Erso s'en sortaient. Et puis là, ils se sont assis puis ils se disaient, ouais, mais... On va le pogner avec. S'en sortir, parce qu'on n'en parle pas dans les autres films. Qu'est-ce qu'on fait? Il aurait pu juste les faire disparaître sur une planète obscure, puis se planter sur une planète où ils peuvent pas se ressortir. Il aurait pu faire ça d'une autre manière que de les tuer. Ils ont décidé de les tuer. Mais ça, comme je disais, ça n'a pas été le même au début. Ils se sont assis, ils ont écrit un script totalement différent où ils s'en sortaient à la fin. Puis à un moment donné, ils ont eu des rencontres avec les gens de Disney, les gens de Lucasfilm, puis... Même Catherine Kennedy, qui est la grande boss de chez Lucasfilm, qui a remplacé George Lucas quand George Lucas a vendu pour 4 milliards de dollars, elle dit, ben, on a comme pas le choix, là. Zéro référence à eux autres dans le restant des films, dans la trilogie originale. Donc, il faut qu'ils meurent. Donc, ils ont viré le script comme il a été présentement, où tous les personnages qui sont les bons, les gentils, meurt un à la suite de l'autre et sur toute la même maudite planète à part de ça, il en meurt pas un par hasard, à part le père, Galen Erso, qui meurt sur une autre planète, mais toutes les autres meurent sur la même planète pendant le même combat final qui s'étire. Mais on va chercher de l'émotion tranquillement, tu sais, il en meurt un, t'as une petite émotion, il en meurt un autre petite émotion. C'est vraiment, mais c'est ce que j'ai eu un peu de misère avec le film, c'est qu'on soit obligé de tuer tous les personnages, parce que j'aimais bien, surtout le personnage de Jyn Erso qui était bonne. Le pire de la gang, celui qui m'a moins attiré comme personnage, puis c'est l'acteur qui a théoriquement le plus de vécu, c'est Forest Whitaker. Mm-hmm. J'ai de la misère avec son personnage en anglais. On dirait qu'il force trop, ça sort faux par bout. Mais tu l'as vu en anglais ou en français? Je l'ai vu en anglais. OK, parce que moi, je l'ai vu deux fois. Une fois en anglais, une fois en français. Demandez-moi pas comment. Et j'ai trouvé que son personnage sortait beaucoup mieux en français parce que c'était pas la même voix. En anglais, on dirait qu'il chuchote, on dirait qu'il s'étouffe. Il fait une voix... Mais il y a un personnage aussi qui est un peu qui rappelle un peu Darth Vader, c'est qu'il y a beaucoup de parties de lui qui sont mécaniques, il y a des problèmes de respiration, donc lui aussi il prend des bouffées d'air à travers un masque qui est pas permanent comme Darth Vader qui est permanent, mais on rappelle un peu aussi Darth Vader dans ce personnage-là, un personnage brisé, ses deux jambes, c'est des jambes mécaniques et tout ça. Mm-hmm. Donc il reste plus grand-chose de l'humain. De son personnage. Là. Le stuff qui sniffe dans son masque a de l'air de le brainwasher. Un peu. Il a l'air. Quand il enlève son masque, il a une petite face un petit peu bizarre. Là. D'après moi, il y a un petit peu de quelque chose là-dedans. Je sais pas quoi. Là, mais parce que, chose exemple, il est en train de jaser avec le pilote. Celui qui ressemble à Jeff Combe. et il jase avec, puis là, il a de l'air de s'imiter le croire, tu sais. Il prend une puff de son masque, puis après ça, il fait des mensonges partout. puis là, on va utiliser la bibitte pour te faire dire la vérité. Ouais, la même chose quand il raconte Jin. Il prend sa respiration et il dit t'es-tu venu ici pour me tuer? Puis là, il faut qu'elle convainque que non. Mais c'est ça. Fait que ce personnage-là m'a tapé un peu ses nerfs, mais lui aussi va mourir parce qu'il meurt tout. Fait que c'est ça. Mais faut dire, on va juste commencer par le début. Là. Dès qu'on commence le film, on s'aperçoit qu'on est dans quelque chose de différent parce qu'il n'y a pas de scroll, il n'y a pas la musique de Star Wars qui rouvre le film. On est quand même allé avec le classique de pas de crédit au début du film. Donc, on voit aucun nom d'acteur au début du film. Ce que George Lucas a eu de la misère la première fois qu'il a fait un Star Wars, il a fallu qu'il aille se battre contre la guilde des producteurs puis contre les syndicats puis le kit, parce que dans tous les films avant Star Wars, le nom des acteurs apparaissait au début. Lui, il voulait ça à la fin pour pas que ça casse le déroulement du film. Dans Rogue One, on n'a toujours pas de nom d'acteur au début du film, mais on n'a pas non plus le fameux texte défilant avec la musique de Star Wars. Disney a encore été respectueux des fans. On marque, tu sais, Lucasfilm, on marque, il était dans une galaxie, Once Upon a Time in a Galaxy Far, Far Away. A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away. On voit ça, mais on tombe tout de suite à une image d'une planète puis d'un vaisseau qui rentre, puis c'est le directeur Krennic qui s'en va chercher Galen Erso puis sa famille, là. Mais tu sais, pas de musique, pas de scroll, pas rien qui nous dit. Fait qu'on sait qu'on est dans un film de Star Wars, mais on sait aussi que ça va être différent de ce qu'on est habitué de voir, c'est voulu comme ça, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, c'est la première fois que je vivais un film de Star Wars à la sortie. Tu sais, que j'étais au cinéma le premier soir. Day one. Et on est allé à 23h. Donc, tu sais, tu vois le genre de foule. Puis là, la musique décolle, le scream, tu sais, en anglais avec A Long Time Ago. Là, le monde, ça se met à crier. Il y a du monde qui imite des Chewbacca. Tu sais, une foule conquise d'avance. Foule en délai. Ouais, foule conquise d'avance. Et à la fin du film, applaudissements. Oui. Dans une salle de cinéma en 2016, je pensais pas vivre ça, mais il y a encore du monde qui applaudissent comme s'il y avait des acteurs quelque part puis qui attendaient. Yo, tu sais, mais ça, il n'y a personne qui est là, OK? Il n'y a personne. Que tu applaudisses ou pas, ça change pas grand-chose pour le projecteur. Là, c'est pas nécessairement vrai dans toutes les salles. La salle où moi j'ai été le voir, moi j'étais au Colossus à Kirkland, Colisée à Kirkland, et puis il y avait une dame qui est venue s'asseoir pour la représentation, puis elle avait un espèce de panneau de bois dans ses mains avec du papier. Tu sais, un genre de les choses avec des clips, là. Okay. Puis elle avait du papier, puis elle prenait des notes. Donc, il y a des gens de Disney qui vont dans certains cinémas pour gager la réaction des gens. OK. Oui. Autre différence que j'ai remarqué dans le fait d'écouter le film dans les deux langues, c'est, tu sais, on parlait tantôt de Forest Whitaker. Il y a une affaire aussi, c'est que, tu sais, c'est pas le même gars, tu sais, qu'il faut avouer, en anglais, c'est Forest Whitaker, pas en français. Donc, ça sortait mieux en français. L'autre affaire, c'est K2SO, le fameux robot, qui est comme le levier humoristique dans le film, beaucoup. Ouais. Lui, en anglais, il punch super bien. En français, ça tombe à plat. C'est souvent pareil dans une comédie. Les blagues sont souvent rarement bien traduit, tout ça, c'est jamais aussi drôle, à part Slapshot peut-être, là, mais fait que je peux comprendre. Moi, je l'ai vu en anglais, puis il est vraiment à point. K2SO, c'est, tu sais, on avait l'humour de Jar Jar dans les premières séries qui était comme vraiment poche, puis on était tanné, puis c'était comme trop enfantin. Tandis que là, c'est des petites punchlines, c'est vraiment comme une phrase qui va sortir, tu sais, qu'à un moment donné, Jin a comme pas le choix d'aller parce qu'il faut qu'elle trouve son père, puis elle veut sortir de ça, fait que la rébellion veut trouver son père pour avoir de l'aide, puis à un moment donné, ils s'en vont pour aller dans la ville pour trouver justement le personnage de Forest Whitaker, puis Saw Gerrera qui s'appelle, puis ils vont avoir une discussion en disant bon ben tu sais, je viens ici pour aller avec vous autres, puis l'autre il dit non, tu devrais attendre dans le vaisseau. Puis elle dit ouais, mais je devrais être là parce que je suis un robot impérial, fait que je vais passer inaperçu, là. Il y en a partout des robots comme moi, c'est juste moi j'ai été reprogrammé. Puis là, Jin, elle regarde, puis elle dit ouais, mais il y a la moitié ici qui veulent te reprogrammer, puis l'autre moitié qui veulent te mettre une balle à travers toi pour te tirer dessus, fait que tu devrais peut-être rester. Puis là, il arrête pas de dire ouais, mais je veux y aller. Mais dire regarde, et dis, c'est parce que j'aurais peur que en te visant toi, il te manque puis qu'il tire sur moi à la place. Puis là, il s'en va. Fait que tu sais, comme tu ressuscites. Fait que là, il s'en, les autres s'en vont. Puis là, il est là, il dit, ouais, mais ça me paraît pas si une mauvaise idée que ça. t'sais, en anglais, ça rentre super bien au poste. C'est tous des petits jokes ouais. de même qu'il fait, tu sais. Ou quand Jin arrive sur le vaisseau la première fois, à trouver une arme. Puis là, ben, tu sais, Diego Luna décide de lui laisser. Fait que là, le robot, il dit, ouais, mais tu sais que le pourcentage de la probabilité qu'elle te tire sont. Ouais, tu connais-tu le pourcentage? Tu veux-tu savoir le pourcentage de probabilité qu'elle utilise sur toi? L'autre, il répond pas, il fait juste le regarder. Il dit, sont très élevés. Là, il y a une pause. Très, très élevés. Mais en anglais, ça sort super demain, bien, là. Ouais, c'est juste bien punché. Fait que c'est pas trop. Puis il vient souvent casser une espèce de tu sais de sentiment de oh là on est vraiment dans le caca tu sais ou là ça va vraiment mal, il vient mettre un petit peu d'humour dans une histoire qui est vraiment sérieuse aussi. Fait que c'est très bien, je pense que c'est un personnage qui est vraiment bien pensé. Puis avant que le film sorte, il y a plein de monde qui pensait que K2SO c'était le nouveau Jar Jar, ce qui est pas le cas. Ses blagues sont à point, bien ça rentre au poste, mm-hmm. c'est bien correct là. Dans les observations que moi j'ai fait que j'ai trouvé intéressantes, ouais. J'ai aimé la tactique de combat des vaisseaux rebelles contre les destroyers impériaux. Dans la bataille de la fin, on a comme une entrée, une porte galactique avec un champ de force qui empêche toute communication de sortir de la planète vers l'extérieur et ils sont pas capables... Communication et vaisseau. Ouais, exact. Tout est barré. Ils sont pas capables de le détruire. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire les propulseurs d'un vaisseau impérial. Après ça, ils vont prendre un genre de vaisseau bélier, s'accoter dedans, le pousser dans un autre vaisseau impérial, ça fait du grabuge pas à peu près, et les deux vont tomber sur la gate et permettre que les communications passent avec la planète. J'ai trouvé les tactiques de combat très intéressantes dans ce film-là. On avait finalement le moyen de nos ambitions côté technique. Ouais, mais on y va aussi. C'est une guerre, c'est un peu de la guérilla, là, de la guérilla, de la manière que les rebelles se battent, c'est que, tu sais, ils savent qu'ils vont se sacrifier quand ils vont rentrer dans... Ils vont envoyer du canon à Ion dans un Star Destroyer, puis là, ça l'empêche de pouvoir fonctionner. Puis là, t'as une corvette qui est le même vaisseau dont on retrouve Princesse Léa dans le premier film, avec une tête de bélier qui appelle, qui va rentrer dedans, qui va le pousser dans l'autre Star Destroyer, puis ça va... Mais tu vois tout le long, la corvette avec la tête de bélier est prise dans le Star Destroyer. Là. Ils savent qu'eux autres aussi se sacrifient. Là. C'est fini, là. Ouais. Mais pour la cause... On se sacrifie, puis il y a beaucoup de rebelles qui sont dans cette situation-là où on n'a pas le choix de se sacrifier pour la cause. OK. Autre observation. Tu parlais tantôt du laser. J'ai trouvé très cool que quand on l'utilise, ça fait pas... tu vois l'onde de choc s'en venir, mais tu sais, tranquillement du point central jusqu'à tout débattre. Ça te laisse le temps d'observer ta mort s'en venir. Là où est-ce que moi j'ai trouvé ça très drôle, c'est sur l'étoile noire. Tu vois les opérateurs, tu pèses plein de pitons, tout, tout, tout, tout, tout. Puis t'as tout le temps une petite shot où est-ce que tu vois deux opérateurs à côté d'une console, à côté de ce qui pourrait ressembler, mettons, d'une rame de métro. Un tunnel, puis ça s'en va bien profondément. Puis là, tu vois le laser apparaître, puis passer à côté des autres. C'est pas très santé sécurité au travail, ça. Je pense pas que la CSST s'est mis le nez dans la construction de l'étoile noire, effectivement. Ils sont à peu près à 2 pouces du rayon laser. Tu vois l'onde de vent, leur fouetter vêtements. Ça doit être hot comme place, là. Normalement, quand tu te ramasses là, c'est parce que t'as pas été nécessairement l'élève modèle, j'imagine. Non, sûrement mais, pas. Ouais, c'est quelque chose, mais tu sais, faut pas oublier qu'on était pris aussi avec les décisions qui ont été prises en 1975, 16, 17 quand que le film a été fait. T'sais, le film est sorti en 77, mais quand on a planifié le film et tout ça, puis qu'on allait faire le design de comment ça allait se passer, il était là, fait que il y avait comme pas le choix d'y remettre là, même si ça fait plus ou moins du sens. Ouais, là. Non, c'est. Pourquoi ça te prend deux gars là, au cas où que le laser tire croche, ils vont quoi le redresser avec des miroirs? Ouais. Ça sert à rien qu'ils soient là, là. À part le fait que hey, le laser, il est passé le laser. Mais moi, je trouvais ça très drôle que tu fais comme oh boy, ok, c'est. Ouais, c'est intense. C'est comme. Eux autres, quand ils se lèvent le matin pour aller travailler, là, pas trop le tenter. Non, c'est ça. Puis l'autre affaire. On va, à un moment donné, voler l'équipe de Rogue One, le vaisseau de Diego Luna est plus fonctionnel, c'est crashé sur la planète où est-ce qu'il y a plein de pics de roches. Et là, on va réussir à voler un petit vaisseau cargo qui ouais. permet d'amener de la marchandise vers la base centrale où est-ce qu'il y a les informations. Mmh. Et là, on atterrit, on se fait passer, blablabla, pour le vaisseau ennemi. Il y a juste une shot que moi je trouve problématique. T'as une vue à un moment donné où est-ce que t'as genre une escouade d'inspecteurs qui vient voir à l'intérieur du vaisseau pour faire en sorte de s'assurer que c'est bel et bien la marchandise. C'est leur costume que Jin puis Diego vont utiliser pour se pénétrer dans la base. Un petit clin d'œil au Star Wars original quand ils volent les costumes de Stormtrooper. Exactement. Ouais. Là où est-ce que moi j'ai un problème, c'est que le vaisseau, tu le vois clairement que t'as une plateforme qui vient toucher par terre, qui te permet de grimper dans le vaisseau, puis t'es sur le plancher des vaches. T'es à peu près à 3 pouces du sol là, sur le vaisseau, et là les inspecteurs rentrent, t'as le pilote, Jeff Crump, qui leur dit « Ouais, ouais, t'as l'affaire », et t'as un plan de caméra d'une trappe en dessous du pilote. Où est-ce que l'équipage est caché? Mais c'est impossible! Sont sous le plancher des vaches. Ils viennent de monter la rambarde. Il aurait fallu qu'ils montent au deuxième étage avec les échelles, puis après ça, qu'ils regardent dans un trou. Ouais, faudrait que je leur voie, mais il me semble, si je me rappelle bien, la porte du vaisseau est plus haute, puis il y a comme un bedon en dessous. Là. Ben... Fait que ça serait normal que ton... Ouais, ouais, de la manière qui est faite, regarde le vaisseau, comment est-ce qu'il est fait, puis il y a une espèce de trapèze en dessous. De la rampe. Donc, tu rentres au-dessus, puis en dessous, t'as comme un espace cargo. Fait que c'est correct. Je me rappelle de cette scène-là, mais je me rappelle aussi que quand tu regardes le vaisseau, comment il est fait, il y a une espèce de bedon en dessous. Fait que tu rentres au-dessus de l'espace cargo dans le vaisseau. Donc, la rampe est plus haute que l'espace cargo. Ben, j'espère, parce que sinon... Essaye pas, je m'en rappelle, c'est correct, je m'en rappelle. C'est une grosse erreur, si c'est pas le cas. C'est pas une erreur, c'est tes yeux qui sont en erreur. Yeah, right. Je retourne le voir une troisième fois, là, go. Ouais. Massant. Fait que ça, c'est les observations qui m'ont chicoté. Sur un autre ordre d'idée, moi, une des affaires que j'ai moins appréciées, je trouve que l'histoire fait du sens. Le positionnement dans la saga fait du sens aussi. Tout ça est très, très cool. Là où est-ce que j'ai un problème particulièrement, c'est dans l'écriture des personnages. J'ai de la misère à trouver une motivation dans ce qu'ils font. Okay. L'assemblage du crew, tu sais, sont sur la planète, où est-ce qu'ils doivent chercher des informations pour rejoindre le personnage de... comment est-ce qu'il s'appelle encore? Saw Gerrera, le personnage de Forest Whitaker? Ouais, exactement. Ils doivent le retrouver. Et là, sur cette planète-là, ils vont participer, ils vont être mélangés dans une attaque où est-ce qu'il y a un convoi de l'armée impériale qui est attaqué par des rebelles de cette planète-là qui ne sont pas dans la grosse alliance, mais qui sont de l'équipe de Saw Gerrera. Saw Gerrera, parce qu'ils veulent récupérer les Kyber Crystals, les cristals de Kyber l'Empire vole. Faut dire du Temple Jedi, parce que ça se passe sur une planète qui s'appelle Jeddah, qui est la planète où il y avait un temple Jedi. On voit aussi des vestiges. On voit une espèce de grosse statue de Jedi qui est tombée sur le côté. Une planète simili-désertique. Donc, c'est ça. Puis, ils volent les cristaux qu'il y avait de cachés dans le temple Jedi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. À ce moment-là, nos personnages de Jin et de Kazan sont... coincé à travers cette attaque-là, ont pas le choix de participer à leur dépens. Ouais, parce qu'ils vont tirer des deux, ils vont tirer des impériaux, puis ils vont aussi tirer des rebelles. Des hommes de Saw Gerrera, oui. Ouais. Et là, ben, à ce moment-là, à un moment donné, se font encercler et il y a un personnage, l'aveugle, à laquelle Jin a parlé genre 4 secondes, qui vient l'aider, qui vient combattre. l'armée impériale pour l'aider. Ensuite, il y a son ami, là, son acolyte, Baze, qui vient mitrailler un nouvel ordre de d'adversaires qui arrive et se font kidnapper, se font pogner par l'équipe de Saw Gerrera et ramener à la base. Sont emprisonnés ensemble. Il y a une scène très drôle aussi où ils mettent des cagoules sur tout le monde. Puis l'aveugle dit... Sérieusement, là, je t'aveugle. Ouais, ils mettent un sac sur la tête. Bon. Là, ils sont emprisonnés ensemble. Ils apprennent que c'est la fille de grand bonhomme Orson. Le grand bonhomme qui a créé l'étoile noire, blablabla. Ils apprennent un peu le plan. Et au moment de sauver de la planète, l'aveugle, l'autre chinois, le pilote, Krezen, Jin, tout le monde part en vaisseau ensemble, puis on est rendu un crew. Ouais, mais faut pas que tu oublies qu'ils ont sauvé la vie parce que la planète est en train de se faire complètement détruire par un tir de l'étoile noire où Saw Gerrera va mourir. Fait que c'est soit qu'ils suivent ou soit qu'ils meurent sur la planète. Il y avait comme pas le choix. Ben, tu meurs ou tu t'en viens. Fait que. Pour survivre, oui, je comprends, eux autres qui vont vouloir embarquer, mais pour Kaizen et Jin. C'est pas le grand chum tout d'un coup, là. Puis quand il arrive pour débarquer sur la planète principale pour aller chercher les documents, le personnage de Baze dit à Jin, allez, petite sœur. Ouais. Ça fait 4 heures, vous vous connaissez, là. Oh ouais, il y a la petite sœur rapide, là, mais regarde, je sais pas. C'est. Tu sais, faut dire que le personnage de l'aveugle. A une tendance à ressentir la force, même si on parle pas que c'est un Jedi, là, parce qu'il détecte des choses sans les voir. Donc, on pourrait croire que c'est un Jedi qui ne dit pas qu'il est un Jedi parce que les Jedi sont supposés être complètement disparus. Je pensais plus qu'il était force sensitive comme Leia. C'est ça. Il peut utiliser la force, il ressent la force, parce qu'il arrête pas de dire « je suis un avec la force est avec moi », là, il dit ça comme tout le temps. Là. Ouais, c'est son mantra, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il ressent la force parce qu'il ressent Jin parmi plein de personnes dans une espèce de marché, puis il parle à distance, fait qu'il détecte, puis il doit détecter quelque chose en elle, peut-être même le cristal qu'elle a à son cou. Ben, il parle de son collier, justement. La première affaire qu'il dit, c'est par rapport à son collier. C'est ça. Donc, il y a quelque chose dans ce personnage-là. Et puis l'autre le suit aveuglement. Là. C'est comme vraiment son ami qui le protège tout le temps. C'est drôle. Donc, que c'est lui qui a des yeux. Aveuglement, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Donc oui, peut-être, tu sais, vas-y petite sœur, c'est peut-être un peu fort. Là. Mais ça reste que on s'aperçoit dès le début que ce personnage-là s'attache très très rapidement à Jin parce qu'il a l'air à savoir qu'est-ce qu'elle essaie de faire puis sa motivation. Puis Jin aussi a une croyance ou croit en la force à cause que sa mère croyait en la force aussi avant qu'elle meure au début du film. Là. C'est la mère de Jin qui lui parlait des Jedi puis de la force. Donc, elle a connaissance et elle a un respect pour ça. Là. Sa mère veut sauvegarder. Une des choses que sa mère à Jin faisait, c'est qu'elle voulait sauvegarder la mémoire des Jedi, puis elle voulait pas que l'Empire utilise les cristaux des Jedi pour faire ce qu'il voulait faire, parce que ça salissait l'image des Jedi. Mm-hmm. Mais donc, ça c'est pas dit dans le film, c'est dans ton livre, puis c'est parce que t'as une information supplémentaire. Si on se limite à ce qu'il y a dans le film, côté motivation, c'est assez mince. Puis le fait que Jin embarque dans la rébellion, au début, c'est parce qu'elle veut retrouver son père. Une fois qu'il meurt, pourquoi qu'elle se sacrifie pour la rébellion? Je trouve ça vraiment... Tu sais, toute sa vie a été en dehors du conflit. D'ailleurs, c'est une raison de prise de bec avec Kaizen, qui dit, lui, là, depuis 6 ans, il en a sacrifié des affaires, puis il en a fait des choses pour la cause. Depuis qu'il a 6 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Tandis que elle, tout d'un coup, là, elle arrive, puis... son speech dans le vaisseau quand les rebelles, les rogues, s'en vont... Elle dit, faites comme si faites-vous paraître comme ça, puis vous allez peut-être pas revenir, mais le speech, là, j'ai comme, tabarouette, ça sort de ou... Ouais, mais quand ça dit que 10 hommes donnent l'impression d'être 100, c'est Cassian qui dit ça, c'est pas elle. Mais c'est quand même elle qui commence le speech. Elle donne quand même un speech, mais faut que tu dises que elle a vu un hologramme de son père qui lui dit « Je suis désolé de ce que j'ai fait, c'est de ma faute si ça arrive, j'aurais dû, tu sais, j'aurais peut-être dû faire les choses différemment. J'ai pas arrêté de penser à toi et j'ai caché un défaut dans l'étoile noire pour qu'on puisse facilement la détruire si on tire à telle place. » Son père lui lègue une mission. Je veux dire, c'est son père qui lui dit « Faut détruire ça, on peut pas laisser ça aller, faut détruire l'étoile noire, on peut pas laisser l'empire s'en servir pour semer la terreur partout. » Donc, c'est pas nécessairement que Jin veut se rattacher à la rébellion, mais c'est à peu près tout ce qui lui reste qui voudrait se battre avec elle pour détruire l'étoile noire, parce que c'est commun, les deux veulent détruire l'Empire. L'Empire a tué sa mère, la rébellion a tué son père par un tir mal placé, mais bon, ça reste que l'Empire a emprisonné son père, donc elle a une haine de l'Empire quand même. Elle a un moyen de faire payer que c'est son père qui lui lègue un peu cette mission-là. Je veux dire, d'un autre côté, faut que tu comprennes qu'elle a un nouveau but dans la vie. Son but, c'est de venger son père et sa mère. C'est de faire ce que son père lui demande de faire. C'est de détruire l'Empire. Fait que oui, elle a un attachement avec la rébellion, mais elle a son agenda, elle aussi, qui est, mon père me dit que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, puis je vais le faire. T'sais. Fait que, trouve la motivation mince. Non, mais je te dis pas que c'est hyper épais comme motivation. Ça reste que, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est correct. Ça aurait pu être différent, peut-être, oui. Mais c'est parce que ça souligne le fait que il y a trop de personnages. Bon, il y en a beaucoup, mais si tu veux en faire mourir beaucoup, faut que t'en aies pas mal. T'as des troopers là, qui meurent à la tonne, puis c'est pas bien grave, là. Ouais, c'est ça, mais il voulait quand même te donner un groupe de. Faut que tu t'attaches un peu à la rébellion. Tu sais, dans le film original, tu t'étais attaché à Luke, tu t'étais attaché à Léa, à Han Solo, à Chewbacca, aux deux robots. Mais c'est pas. Tu sais, Obi-Wan, mais tu sais, c'est pas mal tout. Tu t'étais pas attaché à la rébellion. Le rôle de ce film-là, c'était un peu de te faire t'attacher à la cause de la rébellion. Fait que, tu sais, ça te prend des personnages qui vont démontrer qu'on combat l'Empire et tout ça. Donc, c'est un peu... Fallait mettre de la viande dans l'entour de l'os aussi. Là. Si t'avais mis Jin avec Cassian, puis c'était tout... Le crew de la première trilogie 4-5-6, t'as eu trois films pour apprendre à les connaître. Ouais, c'est ça. Là, t'as un film. T'as pas le temps de t'attacher super gros à eux autres. Faut qu'ils fassent ça vite. T'sais. Mais pourquoi tu t'attaches pas? Parce qu'ils n'ont pas de background, ils n'ont pas de motivation, il n'y a pas de viande autour de l'os. Non, c'est sûr que t'apprends pas nécessairement à les connaître. On n'a pas le background de l'aveugle, d'où ce qui vient, puis tu sais pourquoi qu'il en est rendu là, puis de l'autre non plus. Pis... Pour moi, les deux Chinois, c'est plate parce que c'est pas des Chinois là-bas, là, mais c'est les deux plus intéressants. Ouais, c'est deux personnages qui sont opposés. Là, un qui se bat avec... Il a une arme, là, mais il s'en sert presque jamais. C'est toujours D'ailleurs, son arme, c'est-tu de l'arbalète de Chewbacca dans le set? Non, c'est autre chose, mais ça ressemble un peu. Mais ça ressemble, Ça ressemble un peu, mais c'est autre chose, ouais. Mais c'est ça. Non, c'est sûr que, motivation, puis te rendre... Tu sais, t'as pas beaucoup de temps pour partir le film, là. Je veux dire, t'as pas vraiment de temps pour présenter beaucoup tes personnages, parce qu'on a beaucoup à dire dans 2h30. Fait qu'on a peut-être coupé certains coins ronds. Peut-être que dans une version Blu-ray... où on a, tu sais, on a du temps limité. Si on veut rajouter une demi-heure, 45 minutes de stock de plus au film, on peut si on veut. Là. Peut-être qu'on ira jouer plus dans le background de ces personnages-là. T'sais. Peut-être, mais tu sais, je regarde ce que DC a fait avec Suicide Squad, que semble-t-il que la version longue est bien meilleure. Batman v Superman, qui est vraiment meilleur avec la version longue. tu sais, à un moment donné, faire une version écourtée, moins bonne, pas sûr que c'est vendeur tant que ça. On va tout attendre la version DVD, là. Ouais, mais faut-tu dire, d'un côté, c'est moins bon, c'est ton point de vue. Tout le monde qui l'a vu crie au génie. Fait que, je veux dire, il y a des choses qui tapent pas nécessairement ses nerfs autant à d'autres qu'à toi, peut-être, ou qu'à moi, peut-être. T'sais. On a toute une vision différente d'un film. C'est bien, bien personnel. Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, c'est quelque chose de vraiment personnel. Quelqu'un va adorer quelque chose, quelqu'un d'autre va l'haïr. Meilleur exemple, je parlais de Blade Runner sur Facebook l'autre jour. Moi, Blade Runner, excuse-moi, là, j'aime pas le film, je trouve ça plate. Puis il y en a qui c'est le film culte qui ont adoré puis que qui les ont tu leur a fait aimer la science-fiction ou des affaires de même, garde. Mm-hmm. Pour moi non, fait qu'on a des visions différentes puis je veux dire, moi je pense que c'est un film qui fait la job là. OK, je vais te poser une petite question d'abord. On va prendre le problème à l'envers. Est-ce qu'il y a la mort d'un des personnages principaux qui t'a affecté? Celui qui m'a le plus affecté, je te dirais, c'est celle du pilote, parce que c'est un des premiers à partir quand ils font sauter le vaisseau. Là. Parce que c'était un peu comme K2SO, c'était un peu comme le comic relief. T'sais. C'est un personnage qui avait de l'humour en lui, un peu toujours, t'sais, comme quand ils sont dans la base, puis là, ils décident de se rebeller contre la rébellion, parce que la rébellion veut plus aller détruire l'étoile noire puis chercher les plans là, parce que bon le conseil est pas tout d'accord puis là ben ça serait trop dangereux puis tout puis fait que Mon Mothma dit bon mais ben, non on y va pas parce que bon certains leaders de la rébellion veulent pas y aller puis les autres décident de se rebeller contre la rébellion fait que dire bon ben nous autres on y va puis c'est de la chenoute avec ceux qui veulent pas qu'on y aille puis un moment donné le pilote dit non, on peut y aller tu sais le vaisseau est pas tellement grand, là. On peut tout rentrer. On va être tassé, mais on y va dessus, là. Tu sais, il y a toujours un petit peu d'humour en lui en disant on va se coller, tu sais. Puis c'est de la manière qu'il livre en anglais, surtout, qui passe bien comme. Tu vois que c'est humoristique, son affaire, tu sais. Ça détend un peu le moment. Fait que ça m'a fait un peu quelque chose quand lui est mort parce que t'as l'impression qu'il y a une place bien, bien importante dans la transmission des plans qui va se faire dans la minute qui suit. Puis finalement, en faisant exploser le vaisseau, puis lui, en mourant, ben il faut qu'il se vire à un plan B puis qu'il envoie les plans d'une autre manière, tu sais, ce qui vire complètement l'histoire à l'envers. Ben qui vire l'histoire à l'envers. Okay, on s'attendait qu'il se passerait d'autres choses. Là. Fait que c'est le personnage qui m'a dérangé le plus à se rendre jusqu'à la fin. C'est sûr que j'ai pas aimé le fait que Jin et Cassian. Cassian, je m'en serais débarrassé, ça m'aurait pas dérangé. C'est plus Jin qu'on s'attache plus avec parce que on la voit grandir, tu sais, puis elle a perdu ses parents, puis elle a, tu sais, c'est un film de Disney finalement. Là. Faut okay, que tes parents meurent pour. Fait que sur le cast principal, le crew de Rogue One, ouais. Sont 1, 2, 3, 4, 5, sont 5. Ouais. Il y en a deux que t'as eu un impact. Ouais, ça veut dire que les autres auraient pu être moins là, puis que ça aurait pas été grave. C'est parce que tu t'attends, quand tu t'attends déjà à ce que les personnages meurent, je veux dire, j'avais déjà une attente vers ça. Là. Fait que ça m'a pas surpris de les voir mourir. Fait que j'ai eu une émotion que, tu sais, si je m'attendais pas à ce que c'est un film où tous les personnages principaux vont mourir à cause de la prémisse du film qui vient ensuite. Ben, peut-être que j'aurais été choqué et j'aurais été plus atteint, mais là, je m'attendais à ce que le trois quarts des personnages meurent. Là. Mais je t'explique pourquoi je dis ça. Parce que le cinéma, c'est censé te faire vivre des émotions. Un film qui te fait pas vivre d'émotions, c'est pas un bon film. Du moins, les qualités qu'il va avoir vont être des qualités externes qui t'auront pas affecté. Le but premier d'une histoire dans un film, c'est de te faire vivre des émotions. Si on n'est pas capable de te faire vivre des vraies émotions, c'est qu'on a raté notre affaire. Il y a quelque chose, quelque part, dans le processus qui n'a pas fonctionné. Et dans le cas de la mort de personnages, si leur mort ne t'affecte pas, c'est parce que tu t'en sacres. Si tu t'en sacres, c'est parce que on n'a pas été en mesure de te les rendre attachants. Et une des façons de les rendre attachants, c'est avec un background, avec des motivations, avec de l'enrobage, avec de la chair autour de l'os. C'est pas pour rien que tous les rebelles, les combattants normaux, on les envoie au combat, ils meurent, c'est pas grave. Les Stormtroopers, ils meurent, c'est pas grave. Mais mettons dans le set, là, Finn, il meurt à la fin du film. Ça arrive pas, là, mais mettons qu'il meurt. Pourtant, c'est un stormtrooper là, de base. Là. Normalement, quand il meurt, t'es censé t'en foutre, mais là, tu t'en fous plus parce que t'as un attachement envers le personnage. On te l'a humanisé. Là. Exactement. C'est sûr. Mais Star Wars, Rogue One va aller te chercher pour d'autres. Il y a là, des gens qui. Il y a probablement des gens qui ont été voir le film qui ont peut-être versé une larme à la mort de chaque personnage principal. Mais le film peut, dans son ensemble, là, avec ses autres qualités, devenir positif en moyenne. Ouais. Mais tu ne peux pas ne pas dire que ça manque de background des personnages pour te les rendre attachants. Là. Ben, c'est ça. Ben, c'est parce, comme je te dis, on connaît pas la magie. Tous les personnages, à part Tarkin et Darth Vader, dans le film, il n'y a aucun personnage. OK, il y a Mon Mothma, on voit aussi. Bail Organa. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de personnages que tu connais des autres trilogies qui sont dans ces films-là. Il y a des pilotes qu'on a pris. On a pris des scènes de l'épisode 4 pour les mettre dans Rogue One. Donc, on voit certains pilotes qu'on voit dans la bataille de Yavin quand on détruit l'étoile noire pour la première fois. Il y a des pilotes qui sont là, qui sont dans Rogue One aussi. Puis on sait qu'ils mourront pas parce qu'ils sont dans le prochain film. Mais Red Leader est là, Gold Leader est là. C'est vraiment celui qui est le chef d'escadron de Luke Skywalker dans l'attaque de l'étoile noire, qui meurt en criant à la fin, puis qui se plante dans l'étoile noire parce qu'il se fait tirer dessus. Il est là, il est dans la bataille pour Scarif, là, pour les plans et tout ça. Il est là. Puis on n'a pas ramené l'acteur, on a pris des scènes qui n'avaient pas été utilisées dans Star Wars épisode 4, puis on les a utilisées dans Rogue One. Donc, tu sais, mais il n'y a pas beaucoup de personnages qui passent d'une à l'autre. Le directeur Krennic, on l'aime pas, mais on n'a pas le temps de le détester autant qu'on peut détester l'Empereur, qu'on peut détester Darth Vader, parce qu'on n'a pas 3 films, puis même 6, 4, 5, 6 films pour les détester. Donc, faut jouer un peu sur d'autres choses. Krennic, oui, il a beaucoup d'ambition, puis il veut devenir puissant, mais tu sais, à part le fait il a pas tué sa mère, il a pas tué la mère de Jin, il a fait tuer la mère de Jin par des soldats, tu sais. On n'a pas le temps de l'haïr, on l'aime pas non plus parce qu'il est de l'Empire, mais on n'a pas le temps de l'haïr autant qu'on peut haïr d'autres personnages, tu sais. Fait que c'est ce qui est un peu dommage quand t'as juste, ben on dit ça, juste un film. T'as bien des films qui ont juste un film puis t'as le temps d'aimer ou d'haïr les personnages, mais normalement, on a plus de temps pour développer tes personnages. Mais pourquoi c'est t'as centré, pas assez de temps? Parce que t'as trop de personnages. T'as trop de personnages, mais encore là, c'est un film de guerre. C'est un film de guerre, faut que t'aies des coéquipiers. Tu pars pas. C'est pas un film de Schwarzenegger à chaque fois, un film de Rambo à chaque fois, où t'as un gars qui part pis qui tue tout le monde. Ils ont bâti une équipe. Il y a plein de films qui bâtissent des équipes. T'as-tu le temps? Quentin Tarantino, là, Inglourious Basterds, tu t'attaches-tu à tous les personnages? Tu vas t'attacher aux personnages principaux, puis les autres, ben, ils meurent. Oui, parce que tu t'attends à ce qu'il y a du monde dans le crew qui vont mourir. Moi, ça me dérange pas. Si toi, ça te gosse vraiment, si t'as le droit, puis c'est tes affaires, moi, ça me gosse pas tant que ça. De pas avoir pleuré parce que le gars avec la canne, il est mort pendant. Oui, il était le fun comme personnage et tout ça, mais regarde, je m'attendais à ce qu'il meure. Il te prépare la scène, je veux dire. Il s'en va, puis il passe à travers les tirs de. Les tirs des Stormtroopers, puis là, tu te demandes vraiment si bol, ils savent pas tirer, puis c'est vrai, là. Puis il se rend jusqu'à la console, puis il meurt après d'une explosion. Tu le vois venir, là. Puis là, que l'autre meurt tout de suite après, ben oui, il est en mode vengeance, puis il va se sacrifier pour tuer le plus de Stormtroopers possible parce qu'ils viennent de tuer son ami. Ça aussi, tu le vois venir, tu sais. Fait que t'as le temps de te préparer, c'est comme moins soudain que hop, il est disparu, puis ça n'attendait pas, là. T'sais. Mais bon. Je soulevais un défaut. Je dis pas que le film est pas bon. Tout d'un non, coup, non, non, je suis d'accord avec toi. Mais je te dis, moi, ça m'a pas dérangé. Toi, oui, c'est correct. Sinon, l'une des scènes, pour moi, qui a été la plus marquante, la plus jouissive dans le film, c'est la fameuse scène avec Darth Vader à la toute fin, où est-ce que là, on a les plans sur une disquette 3 pouces et quart, et le but, c'est de la ramener de pouvoir la ramener jusqu'aux rebelles, et là, Darth Vader, dans un vaisseau, va essayer de les empêcher, et là, c'est du rebelle au pouce carré qui se sacrifie à la tâche. C'est un massacre, et moi, personnellement, là, j'ai pas grandi avec les Star Wars. Fait que dans le 4, 5, 6, où est-ce qu'il bouge à peine parce qu'on n'est pas capable de faire les effets spéciaux des épées, j'ai de la misère à concevoir. Je le sais qu'on nous le montre comme étant hyper puissant, mais on nous le démontre pas physiquement. Là, pour une fois, et alléluia, Dark Vader, tu le craignais. Il botte des culs. Ouais. Mais c'est un peu aussi ce qui m'a un peu achalé, c'est la transition. Si tu regardes les deux scènes une après l'autre, la transition de la scène de la fin où tu vois Darth Vader qui rentre dans le corridor, qui allume son sabre laser, puis t'as des rebelles qui disent « tire-lui dessus », puis l'autre qui essaie de rouvrir la porte est bloquée pour sortir les plans, puis tout ça, puis là, finalement, il donne les plans à travers la craque de la porte, puis tout le monde se fait tuer dans le corridor. Je veux dire, il tient un soldat au plafond avec la force, il en trucide d'autres, il en coupe en, tu sais, avec son sabre et tout ça. C'est une scène remplie d'action et tout ça. Mais si tu regardes le déroulement de cette scène-là, puis après ça, tu penses à ce qui suit, OK? Donc, les rebelles se sauvent avec les plans, avec la corvette où on retrouve la princesse Léa et le général Antilles qui est le capitaine, les plans et tout ça. Ben, puis là, Darth Vader s'est fait avoir, donc doit retourner à son Star Destroyer qui repart, qui va finalement capturer la corvette, qui va l'amener à l'intérieur qui va la tenir avec un champ magnétique. Darth Vader re-rentre dans la corvette, puis là, il laisse ses Stormtroopers s'occuper de tous les rebelles qui sont là de la même manière qu'ils étaient dans l'autre corridor. Puis là, ils rentrent tranquille en marchant, genre tout, tout, tout. Puis là, il n'y a pas de sabre laser allumé, pas de « je vais tout vous tuer, ma gang de sale. » Ils marchent tranquillement, vont retrouver le capitaine, le pogne, l'étrangle, tout jase avec tout le monde. Je trouve ça... Fait que ça, c'est dans le 4, là. Là, t'es ouais, dans le 4, OK. Ouais, fait que quand tu colles les deux scènes ensemble, il y a tellement une différence de déroulement de la scène que ça en est presque dérangeant. Dans un, il a son sabre, il tue du rebelle au pouce carré. Puis dans l'autre, il laisse ses Stormtroopers tirer tout le monde. Puis après ça, il rentre, puis bonhomme allant, là, même pas le sabre allumé, rien. Là, fait juste rentrer, puis comme, ah, m'en viens ici. Puis, m'en aller jaser avec les rebelles. Au lieu de toutes les tuer. Juste comme. Fait que je trouve que la différence des deux scènes est vraiment frappante, là. Ouais. Mais ça, c'est une affaire que j'avais déjà soulevée, là, en disant pourquoi les Jedi, ils mentent tout le temps? Ben, ils mentent pas, en fait. C'est juste que c'est pas écrit encore, fait que tu le sais pas. Fait que tu dis des affaires, puis que ça va être corrigé plus tard, tu sais. Ça fait beaucoup ça par rapport à la première trilogie, puis la seconde, puis les Jedi, c'est quoi? Faut que tu. Si tu veux devenir un Jedi, faut que tu tues Dark Vader. Là, tu fais comme ta parouette, là. Avant, il n'y en avait pas des Dark Vader, puis il y avait plein de Jedi. Tu sais, c'est un mensonge. Bon, mais ça, c'est un mensonge que Obi-Wan a utilisé pour aider, tu sais, pour que Luke se déniaise puis fasse ce qu'il avait à faire. Ouais, mais tu comprends que ça. C'est dans non, la continuité, c'était pas écrit, fait que tu peux pas le savoir, tu sais. Là, la fin de Rogue One, le climax, c'est de voir Dark Vader qui est en furie, tu sais. Mais. Quand t'arrives dans le 4, il savait pas qu'il était en furie avant. Là. Il l'avait pas écrit, ce film-là. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est juste pas tempéré. La scène, dans sa continuité, est peut-être trop différente pour que... Mais tu sais, à moins que t'aies écouté tout de suite l'épisode 4 après, quand ça sera en DVD, puis tu regardes les deux de fil, tu vas peut-être t'apercevoir plus la différence. Moi, je les ai regardés assez souvent que je trouvais ça juste ça un peu bizarre. Il me semble de voir Darth Vader rentrer avec son sabre laser dans l'autre vaisseau aussi puis faire la même affaire aurait été la continuité idéale. Parce que ça, il est vraiment maudit, là. Ah, il a été obligé de retourner sur ses pas, de retourner à son vaisseau, de repartir le char, puis de recourir après la maudite corvette qui venait de se sauver. Je sais pas, là, je suis pas Darth Vader, je suis pas aussi agressif que lui, mais à ma semble, je serais en tabarbip. Mais, puis aussi, autre affaire, là, ça, c'est toujours comme ça là, dans Star Wars, les sons, les explosions dans l'espace, mais là, particulièrement, Darth Vader qui arrive sur le pont, puis tu vois le vaisseau avec la disquette 3 pouces et quart partir. Puis il est sur le pont, puis tu vois sa cape au vent. C'est comme, Chris, t'es dans l'espace. Il n'y a pas de vent. Mais, bon, on excuse, dans Star Wars, c'est tout le temps de même, là. Il pourrait avoir un certain vent à cause de l'espèce de fait de suction entre l'oxygène et le pas d'oxygène. Ouais, mais ça serait dans l'autre sens. Mais tu sais, dans Star Wars, tu l'accuses pas, là, t'es correct, là. Mais j'ai trouvé ça drôle de particulièrement la grosse porte de hangar dans le vide. Grande ouverte, t'as plein de vaisseaux qui viennent de partir, puis lui, il est là, la cape au vert. Ouais, ça aussi, c'est vrai, sur le coup, quand je l'ai vu, ça a comme... Mais c'est pour l'effet visuel. Là, ben oui, puis dans la diégèse de Star Wars, ça fait longtemps qu'on voit que les portes, l'espace, tout ça, là, on s'embotte pas trop. Là. C'est fait que ça. Mais non, c'est ça. Une des affaires qui m'a vraiment impressionné, par exemple, c'est le c'est Grand Moff Tarkin. Le fait qu'on soit capable de le ramener à la vie, parce qu'il est mort, l'acteur. Là. Peter Cushing est mort, ça fait des années. Il est mort dans les années 90, je me rappelle bien. Donc, on pouvait pas comme il dire « Hey, Peter, attends-tu de reprendre ton rôle? » Donc, ils ont pris un acteur et ils ont superposé en effet visuel le visage de Tarkin sur le personnage. Ça et ça marche. Un peu plastique. Ben, ça marche vraiment. Plus. Mais ça, parce que moi, quand la première fois que j'ai vu la scène, tu vois le directeur Krennic qui rentre et qui s'en va parler à Tarkin. Et là, Tarkin est de dos. Et tu vois un peu son reflet dans la vitre. Puis je me suis dit, ils iront pas plus loin que ça. On a fait le reflet dans la vitre. Ils vont jaser. Tarkin est arrogant. Il ne respecte pas Krennic pour Saint-Saëns. Il ne servira même pas pour y parler. Il va y parler de dos. L'autre va s'en aller en maudit. Puis ça va finir là. Puis là, ils se revirent. Puis là, tu dis, OK, ils t'offront pas ça longtemps. Puis là, il y a une scène assez longue. Puis il revient plus tard. C'est vraiment visuellement très bien fait. Oui, il y a un petit effet de plastique, mais généralement, là, tu regardes ça et il y a beaucoup, beaucoup de scènes où tu ne saurais même pas que c'est un faux personnage. Mm-hmm. Si les gens ne savent pas que Peter Cushing est mort, il y a des gens qui vont penser qu'il est revenu faire son rôle dans ce film-là. C'est incroyablement bien réussi. Mais Léa, à la fin... Ça, par exemple, on est revenu à le train Boréal là, avec Boréal Express là, avec Tom Hanks, là, où c'est un petit peu trop lustré, ça paraît que ça fait un peu Shrek, un petit peu trop animé. Là. À la fin, autant que Peter Cushing, c'était convaincant, t'aurais pensé que c'était vraiment lui, autant à la fin qu'avec Léa, c'est comme non, ça fit pas. Parce qu'on voit Léa à la fin. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle look plastique synthétique, puis dans le septième, elle look plastique net, ben, pas naturel, là, mais réel. C'est correct, c'est une continuité. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas le même plastique. mais c'est ça, on a bien fait. Il y a beaucoup de clins d'œil. Le lait bleu sur la table au début, quand Jin rentre chez eux pour dire qu'il y a quelqu'un qui arrive en vaisseau, il y a un verre de lait bleu sur la table. Dans le marché, quand on rencontre justement les deux personnages asiatiques, on rencontre les deux qui vont se faire tuer par Obi-Wan dans la cantine. Le gars avec deux grosses dents là, habillé en orange, puis l'autre avec une grosse bosse dans la tête qui dit à Luke on est recherché sur dans plein de systèmes là. Sont là il y a beaucoup de clins d'œil. Moi je l'ai manqué, mais j'ai vu sur internet aussi, on voit le vaisseau qui est utilisé dans le film dans l'animation Rebelle. On entend aussi le nom de la Twi'lek qui est la pilote dans la série Rebelle aussi, Star Wars Rebelle. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil et de choses comme ça. Le château de Darth Vader sous Mustafar, qui est la planète de lave, qui avait déjà été énoncé dans la mythologie de Star Wars. Là, on le voit vraiment. Tu sais, on a gardé ça avec beaucoup de clins d'œil, beaucoup de nostalgie pour les gens qui trippent sur le film. Il y a beaucoup de choses à voir là, si on a l'œil un peu aguerri. Là. Il y a des choses à remarquer. Mm-hmm. Si on avait à donner une note générale, toi, ce serait quoi, Luc, pour faire un wrap-up? Parce qu'on a pas mal fait le tour du film là, déjà. Ouais. J'ai de la misère à donner une note au film. J'ai beaucoup apprécié, mais j'ai pas trippé autant... que sur peut-être d'autres films. Pour moi, Empire Contre-Attaque demeure le meilleur film de Star Wars à date. Rogue One serait peut-être... J'hésite entre deuxième ou troisième. Là. J'hésite entre un 8.5 puis un 9. 9, c'est peut-être trop proche de la perfection pour moi. J'irais avec un 8.5. OK. Je pense que c'est jouable. C'est un très bon film, mais il y a des... Je sais pas, j'ai eu de la misère à embarquer autant que peut-être dans d'autres films. C'est peut-être le fait que avant j'avais à attendre 3-4 ans pour avoir un nouveau film de Star Wars, et à un moment donné même plus que ça, parce qu'entre 83 et 99 on n'a rien eu. Tandis que là, ben il y a eu l'éveil de la Force l'année passée que j'avais beaucoup trippé parce que c'était le premier film de Star Wars depuis un bout de temps et t'sais, ce qu'on attendait depuis des années qui est la suite de l'histoire originale. Fait que peut-être à cause de Force Awakens, j'ai moins apprécié Rogue One parce que j'ai pas eu autant d'attentes à l'avoir, puis ça va être comme ça pour les 90 prochaines années. Peut-être. Parce qu'on va avoir un film de Star Wars par année pour au moins jusqu'en 2020. Mm-hmm. Je pense 8.5, c'est un excellent film. Mais c'est ça, j'ai eu plus de misère à embarquer dedans, surtout au début. Mais c'est venu après un peu plus tard. Là. Bon. Moi, je dirais avec un 8, parce que je trouve que l'enrobage, tout ce qui est aspect visuel, techniquement, c'est probablement le Star Wars le plus abouti qu'on a de toute la saga. On a enfin la capacité de rendre cet univers-là pleinement vivant, réaliste et divertissant. Là où est-ce que ben les bémols embarquent, c'est surtout l'écriture des personnages, où est-ce que je trouve que c'est un peu garoché et que on s'attarde, ben qu'on puisse pas s'attacher plus que ça aux personnages. Moi ça me déçoit, surtout que c'est censé être le cœur de l'histoire. Donc ça va être un 8/10, mais comme je dis, moi j'ai pas grandi avec les Star Wars, fait que l'attachement émotif, la nostalgie qui vient avec les trilogies là 1 2 3 puis 4 5 6, je les ai pas. Fait que moi je vous dirais que le 7 et le 3.5 sont de loin les meilleurs Star Wars parce que ils ont l'acting, ils ont les effets spéciaux, ils ont la qualité d'image à la hauteur de représenter un univers aussi vaste et intéressant que celui de Star Wars. Ouais. Mais donc, ça rend justice. Faut juste dire, ça rend justice à l'univers de Star Wars et ça répond à des questions qu'on avait dans le temps quand on a vu Star Wars épisode 4. Questions dont même George Lucas n'avait pas nécessairement les réponses. Parce que faut savoir, hein, originalement, ce qu'on a eu dans Star Wars épisode 4 était supposé être tiré sur 3 films. Et dans le 3e film, l'étoile noire originale se faisait détruire. Donc, tout ce qui a été après l'Empire contre-attaque et Retour du Jedi, ça a été rajouté parce que George Lucas ne croyait pas pouvoir faire 3 films parce que tout le monde il disait « ça pognera pas ton affaire, t'es mieux de faire ça court parce que t'auras pas la chance d'en faire un autre ». Fait qu'il a pris son histoire au complet qu'il avait planifié sur 3 films et il a fait Star Wars épisode 1. Dans ça, et c'est tout. Bon. Voilà. Voilà qui complète notre critique de Star Wars. A Star Wars Story, Rogue One. Rogue One, une histoire de Star Wars. Ouais, c'est l'inverse. J'espère que vous avez apprécié. Luc, si les gens veulent te retrouver sur le web, ils font comment? Sur Twitter, Ascalazormo. J'anime aussi une émission sur l'automobile qui s'appelle Ça roule radio, que je fais avec Marc Bouchard. Vous pouvez trouver ça sur iTunes ou sur Google Play ou sur saroule-radio.com. Puis c'est pas mal ça. Si vous voulez parler Star Wars sur Twitter avec moi, allez-y fort, je vais vous répondre, on va discuter. Luc est prêt. Oh ouais, non, mais c'est un univers qui m'intéresse. J'ai grandi avec ces choses-là, avec ce stock-là. Star Wars, pour moi, a été une grande partie de ma jeunesse et de mon adolescence. Fait que je trippe solidement là-dessus. Et je ne connais pas tout et je n'ai pas raison absolue. Donc, s'il y a des choses que je ne sais pas ou que vous voulez discuter, je suis très, très ouvert à la discussion. Je ne vous dirai pas d'aller vous faire foutre parce que on a tous nos points de vue. Et ce n'est que du cinéma aussi. Hein. On a tous nos points de vue sur la qualité comment un est meilleur que l'autre aussi. Là. Fait que pour certaines personnes, j'ai un collègue là, vraiment, là, Star Wars épisode 1 est son meilleur Star Wars à date parce que c'est son premier qu'il a vu et il était jeune et tout ça. Tandis que moi, Star Wars épisode 1, c'est un de mes pires. T'sais. Fait que c'est vraiment, quand on dit que c'est personnel, le cinéma, la musique, le jeu vidéo, que c'est vraiment personnel, c'est à ce point-là. Là. Star Wars, là, c'est comme la religion. Plus t'es jeune, plus tu risques d'être accroché à. Possible. Pis toi, où est-ce qu'on te retrouve? Si vous voulez me crucifier suite à cette blague, vous pouvez me rejoindre sur Twitter @gangj_b. Sinon, Facebook, je vais gagner. J'ai un autre projet qui s'appelle La POC, qui est un podcast de hockey avec mon collègue Jerry Godbout. Cherchez-nous sur les réseaux sociaux. On a enregistré lundi dernier notre dernier show de 2016. Bon, on sera de retour en 2017, toujours aussi fort, puissant et intéressant. Des menaces. On va revenir. Sinon, ben pour la réalité augmentée sur Twitter @realitéhog, facebook.com/realitéhog, realitéhog.com pour notre site internet, et on vous invite à nous envoyer des questions, des commentaires via courriel à podcast@realitéhog.com. Donc, voilà qui fait le tour pour l'émission de cette semaine. On vous souhaite de joyeuses fêtes parce que, oui, c'est la dernière de 2016 aussi de la réalité augmentée. Et comme pour la POC, on fait la même menace. On va revenir en 2017, puis on risque d'être aussi mauvais, mais toujours aussi régulier que nous le sommes en ce moment. Ouais, tellement mauvais qu'on en devient bon. Ouais, ça fait notre charme. Ouais, mais faites attention à vous pendant le temps des fêtes, s'il vous plaît. Ne buvez pas et ne conduisez pas. Prenez les rouges. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de s'amuser et d'être responsable. Oui, si vous pensez vouloir vous saouler la gueule, ben planifiez de dormir à quelque part et ne pas prendre votre auto, s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup, Luc. Merci à toi, Jean-Benoît. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous. Et on vous dit à la prochaine fois dans un autre élément. Bye-bye. À l'année prochaine. Bye.